Nous sommes bons pratiquants de notre religion. Notre religion, c'est la surconsommation. Et dès que se pointe la période de l'Avent, vite au centre d'achat, ne perdons pas de temps. Quels sont vos projets? Questionne le marchand. On a pour objectif d'arriver au nouvel an d'été. On va fêter le nouvel an d'été, de janvier jusqu'à l'été, de la tête jusqu'aux pieds. Ah ah ah d'été. Cette année, nous recevons pour le réveillon des passés pour des cheats, c'est hors de question. Si on était raisonnable, tout le monde dirait ah, mais comme ils sont draves. Et de toute façon, pourquoi se priver? On sait qu'on va arriver au nouvel an d'été. On va fêter le nouvel an d'été de janvier.